donner leur cœur au Seigneur. Zembo et un conseil pour la yon de Bobo Nation. Amen. Il est guéillé. Single.